D'abord, j'ai cru que Marissa était sourde. Elle ne réagissait absolument pas, même lorsque c'était bruyant. Presque aucune réaction de sa part. Et elle paraissait autrement qu'un enfant en bonne santé. Et puis, il y avait sa tête. Elle paraissait si grosse. Et tous les jours, j'étais choquée quand je la regardais, quand je la longeais et quand nous étions ensemble avec elle. Et elle donnait l'impression d'être très faible. Et elle était faible. J'ai dû arrêter l'allaitement et cela fut très difficile pour moi. Qu'est-ce qui était différent exactement? Sa peau était plissée et avait l'apparence d'une peau de personne âgée. Et puis son corps était mal développé, maigre et sans vie. Elle était là, couchée, et je ne pouvais rien faire. Quel fut le diagnostic? Pour la première fois, le neurologue a dit ces mots. Votre enfant est handicapé. Et cela fut un choc. Je me rappelle encore lorsque nous avons quitté la clinique, nous avons dû d'abord nous arrêter au bord de la route. Et tous les deux, nous avons pleuré. Parce que l'inimaginable était arrivé. Cela nous est arrivé comme un choc. Nous étions tout d'abord là, sans mots. Lors de la consultation du nouveau-né, le test pour Marissa était de 10 sur 10. Le maximum de points que l'on peut atteindre. Elle est en parfaite santé. Lorsque le médecin conseille de faire vacciner leur fille, tout d'abord, la maman est un peu incertaine. Le médecin les met en garde contre ce refus. L'enfant doit recevoir la meilleure protection. Nous avions jusqu'à présent très peu considéré le sujet de la vaccination. Nous voulions le meilleur pour notre enfant, comme tous les parents qui désirent le meilleur pour leurs enfants. Et nous voulions minimiser les risques. 5% des enfants qui ont eu une méningite sont restés psychiquement et corporellement gravement handicapés. Et un handicap, nous ne le voulions en aucun cas. À 4 mois, Marissa a reçu 3 vaccinations. Diphtérie, tétanos et méningite HIB. 3 mois plus tard, le rappel de la diphtérie et du tétanos. 2 mois plus tard, suivent 2 autres vaccinations sur les conseils du pédiatre. Poliomyélite et le rappel de HIB. Marissa, avec son petit corps maigre, a dû résister à 7 agressions avant même que nous fêtions son premier anniversaire. Et par la suite, tout a été différent. Les vaccins appartiennent à la prévention la plus importante que la médecine met à disposition. Les vaccins modernes sont bien supportés et des effets secondaires négatifs sont très rares. Affirme la publicité de l'Institut Robert Koch. L'Institut Robert Koch est la plus haute instance de la République allemande pour la surveillance et le contrôle des maladies. Il y a une récente statistique des enquêtes du KIST, étude du gouvernement fédéral, qui montre très clairement que les enfants qui ne sont pas vaccinés sont en meilleure santé. Alors cette déclaration est complètement fausse. Oui, on peut expliquer très facilement que vous arriviez à cette déclaration. J'aimerais dire que les effets secondaires qui peuvent apparaître avec les vaccins ou à travers les vaccinations n'apparaissent pas à cause des vaccins mêmes, mais plutôt à cause des additifs que l'on utilise dans ces vaccins. Et puisque ceux-ci ne sont pas révélés pour faire cette déclaration, les effets secondaires par ces additifs ne peuvent pas être pris en considération. Julian Sarrer est un médecin qui est contre les vaccinations. Si la politique continue de décider, comme jusqu'à présent, elle redoute des lésions pour 35 millions d'Allemands. Je me suis spécialisée dans peu de domaines dans lesquels je fais des recherches et que je connais parfaitement. Mais je sais que d'autres médecins ne peuvent pas toujours faire cela, et encore moins lorsqu'ils ont l'agrément des caisses maladies. Pour cela, ils n'ont pas le temps et ils croient ce que disent les autorités locales. Dans ce cas, l'Institut Robert Koch est responsable des vaccins. Mais on ne peut pas lui faire confiance, c'est justement le problème. Alexandre K. a reçu à l'âge de 5 mois une vaccination d'épée polio. Il a subi un endommagement du cerveau. Aujourd'hui, il est aveugle. Son cerveau est pratiquement détruit. Gabi, suivant le conseil de son médecin traitant, s'est laissé vacciner contre la diphtérie, le tétanos et la polio avant un voyage en Amérique centrale. 3 semaines plus tard, elle a commencé à avoir des douleurs articulaires, puis tout d'abord au niveau des doigts, puis dans les épaules. Le diagnostic actuel, une évolution continuelle de sclérose en plaques. Le Japon arrête les vaccinations après la mort de 4 enfants. Une personne âgée dans une maison de retraite a été vaccinée et peu de temps après, elle est morte. La mort de notre fille est survenue après le vaccin contre le cancer de l'utérus, qui est très prôné par le ministère de la Santé. C'était une jeune fille étudiante sportive. Malheureusement, les médecins n'ont pas voulu admettre la vérité. Semaines après la vaccination combinée, notre fils est mort d'une paralysie respiratoire. Cause de la mort, mort subite du nourrisson. Notre enfant en parfaite santé a été vacciné à l'âge de 4 mois, le matin à 9h. Le soir à 17h, il est mort. Le résultat de l'autopsie était le suivant. Mort subite du nourrisson. C'était la deuxième vaccination basique proposée par le ministère de la Santé dans le cadre des vaccinations préventives de routine pour les nourrissons. De mois en mois, cela devient de plus en plus clair que Marisa ne se développait pas comme les autres enfants. Ses perceptions corporelles sont diminuées. Sa force musculaire et la contraction de ses muscles sont réduites. Les déclarations des médecins deviennent concrètes. Maintenant, ils parlent de retard concret de Marisa. Le développement de Marisa correspond à la moitié de son âge. Quelle en était la cause d'après les examens? On ne nous l'a jamais vraiment dit. Nous avons entendu mort des cellules à travers la dégradation des cellules. Ou encore mieux, manque d'oxygène à la naissance. Dans les rapports, on parlait toujours de récupération bizarre, des retards mentaux, pas clairs. Je pense que c'était plutôt un signal de l'impuissance, mais pas obligatoirement un diagnostic clair. Alors aujourd'hui, nous savons que c'est la vaccination qui a détruit notre fille pour le restant de sa vie. Selon l'étude de KIGGS, 2% d'effets secondaires graves surviennent après les vaccinations. Cela signifie que pour 40 millions de vaccinations faites annuellement, 800 000 personnes souffrent de graves troubles de la santé en rapport avec les vaccinations. le fabricant de médicaments et de vaccins Merck, a été pris en flagrant délit par deux de ses propres savants alors qu'il était en train de falsifier des données sur l'efficacité d'un vaccin. Il avait ajouté des anticorps animaux au test sanguin. L'Institut Paul Ehrlich refuse depuis des décennies de définir quels sont les dommages causés par les vaccinations, comment on peut les reconnaître et comment faire la différence avec d'autres maladies. Cela ne révèle pas l'accomplissement de leurs obligations vis-à-vis de la population, mais plutôt une énergie criminelle. GlaxoSmithKline a été condamné à payer une amende de 3 milliards de dollars. L'accusation ? Versement de pots de vin aux médecins. Fausse déclaration au service administratif de la médecine, la FDA. Non-publication de chiffres d'études cliniques. Publicité induisant dans l'erreur. En Angleterre, les adolescentes entre 16 et 18 ans reçoivent un bon d'achat d'une voleur de 50 dollars si elles acceptent le vaccin qui contient la substance de vaccination HPV Gardasil. En Suisse, la vaccination contre le cancer de l'utérus dans le cadre de la campagne cantonale des vaccinations est gratuite jusqu'à la fin de l'année 2012 pour les femmes de 15 à 26 ans. En Allemagne, les jeunes filles de 12 à 17 ans peuvent s'attendre à une prise en charge des frais du vaccin HPV. L'industrie pharmaceutique n'a jamais eu peur d'introduire des produits nocifs et nuisibles sur le marché. Par exemple, le Contergan, malgré une interdiction, a continué d'être vendu sous un autre nom. L'association de parents d'élèves de Salzbourg rassemble des données d'environ 1400 enfants non vaccinés. Résultat, les enfants non vaccinés sont en meilleure santé et sont plus stables que les enfants qui ont été vaccinés. Chez les soldats de la première guerre du Golfe, on a rajouté du scalène comme fortifiant dans le vaccin. Un soldat sur quatre a contracté la maladie de la guerre du Golfe. Les Rockefeller sont les plus importantes forces motrices pour le monopole des écoles de médecine et des gros trusts pharmaceutiques. À commencer par l'aide financière pour les facultés de médecine et l'ordre des médecins américains, jusqu'à chasser la médecine naturelle pour la remplacer par de la pharmacopée synthétique. En 1900, le syndicat J.P. Morgan Rockefeller a acheté l'encyclopédie britannique et a enlevé toutes les informations négatives concernant les vaccinations. Comme des ordures embarrassantes, 248 bébés avortés sont déposés dans une forêt en Russie. Des conteneurs bleus et des sacs plastiques éventrés d'où dépassent des restes d'embryons âgés de 2 à 4 mois. Il s'agit certainement de matériel non utilisé qui était destiné pour des recherches sur les vaccins. La théorie des infections et des anticorps est l'argument principal de l'industrie pharmaceutique. Notre système immunitaire est varié. La recherche sait aujourd'hui que les anticorps ont moins de 5% de part dans la protection contre les maladies. Si on observe exactement, même les histoires glorieuses décrites pour le développement des vaccins se trouvent être tout à fait autres. Robert Koch est celui qui a découvert l'agent pathogène de la tuberculose. Koch a essayé à travers sa découverte de retirer un gain commercial. Il a élaboré le médicament tuberculine. Ce qui est moins connu, c'est qu'il a fait des tests sur des animaux et sur sa deuxième femme. Après la commercialisation, il y a eu les premiers cas de décès et le scandale tuberculine. Koch s'est accordé un congé et il est parti en Égypte. La véritable histoire de la vaccination contre la variole. Après la campagne de vaccination contre la variole en 1801, il y a régulièrement eu des épidémies. Elles ont seulement disparu lorsque, dans les années 1970, on a cessé la vaste vaccination obligatoire. À la fin du 19e siècle, il y a eu quatre grands incidents suite à la vaccination contre la variole. Lors de la propagation de l'épidémie de la lèpre, il y a eu des centaines de morts. Des déclarations unanimes disent que la grippe espagnole a été un véritable désastre global de vaccination. L'épidémie qui a été apportée par les vaccins a été gardée 2 ans en vie au travers de drogues dangereuses qui, croyait-on, étaient des médicaments pour la santé. la grippe touchait seulement ceux qui étaient vaccinés. En vérité, c'était les médecins qui les tuaient. Il y avait 7 fois plus de malades chez les soldats vaccinés que chez ceux qui ne l'avaient pas été. Napoléon a instauré une forme de vaccination obligatoire. Il a fait vacciner ses soldats. La vaccination a permis aux plus forts de tenir, mais pas aux plus faibles. Ceux qui ont survécu à ces vaccins n'étaient pas plus protégés parce qu'ils s'étaient fait vacciner, mais seulement parce qu'ils avaient une meilleure constitution. Le soldat qui survivait recevait un poste militaire ou un poste national. C'était une élite. Il y a peu de personnes qui ont pu jeter un œil derrière les puissants murs de la fabrique pharmaceutique. Une des rares personnes qui le put fut Daniel Trapitsch. Il a réuni dans le réseau Statut des vaccins des faits qu'un citoyen normal n'aurait jamais appris. Monsieur Trapitsch, le mélange d'une préparation de vaccins est très spécial. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Le citoyen normal pense, oui, ce sont quelques virus, un peu d'eau et peut-être 2-3 produits de conservation. Alors là, il a tout faux. Le gros problème est que le fabricant peut ne rien déclarer. Cela veut dire que la seule chose qui doit être déclarée, c'est ce qui est dans la phase finale. Et de cette façon, on ne peut plus ou moins écrire quelque chose pour que cela ne ressemble qu'à de l'eau sucrée ou une solution isotonique. Ce qui est introduit durant tout le processus, par exemple, thermosal, aluminium, hydroxyde, formaldehyde, etc., ce sont environ 80 à 100 ingrédients qui sont présents dans chaque vaccin. Et il y a au total 150 différents ingrédients que le fabricant n'a pas besoin de déclarer. Cela veut dire qu'il peut mélanger ce qu'il veut, donc il cache quelque chose. On peut dire alors, hey, pas de problème, je mets tout au grand jour, voyez, lisez, regardez, etc. Mais c'est quand même caché. 98% de ces substances sont de purs poisons pour les nerfs. Et on ne les essaye qu'au moment d'autoriser un vaccin. Les premières 5 années après l'autorisation d'un vaccin ou d'un médicament, ils sont considérés comme ayant eu des examens cliniques. Le formaldéhyde est contenu dans chaque substance de vaccin. C'est une substance que les constructeurs de meubles n'osent plus utiliser depuis longtemps parce que l'on sait que si je vis entre ces meubles et que je respire cela, cela va déclencher le cancer. Mais à nos enfants de 2 mois, on peut leur injecter cela dans le corps. En plus, on affirme que cela fait des enfants robustes et des adultes en bonne santé. Aux USA, il est écrit dans la notice jointe au vaccin de la coqueluche que les effets secondaires sont les suivants. Cris aigus inapaisables, cela veut donc dire que l'on ne peut pas les calmer. Des cris aigus et inapaisables pouvant durer 2 heures. C'est écrit sur la notice. Aux USA, il est écrit des cris aigus et inapaisables pouvant durer 2 heures jusqu'à une mort subite. Cette phrase a été supprimée dans les pays germanophones parce que l'on a craint que cela puisse inquiéter les parents. La famille Meyer ne savait rien de cela, ou plutôt ne pouvait pas le savoir. Marisa a maintenant 19 ans. Le retard de son développement représente encore la moitié de son âge. La famille a dû trouver des chemins compatibles avec l'handicap. Marisa a besoin de surveillance 24 heures sur 24. Ses facultés de perception sont diminuées. Les situations de tous les jours à surmonter amènent de continuelles difficultés et des situations limites. Vous allez dire, qui est responsable finalement ? Les parents, la politique de la santé, l'industrie des vaccins ? Ou dites-vous, ce sont les médecins qui doivent porter le chapeau pour les résultats des vaccinations ? Oui, c'est ainsi, les médecins portent l'entière responsabilité. Sûrement, la preuve n'est pas si facile à trouver, et c'est la raison pour laquelle les patients, la plupart du temps, portent la responsabilité. Alors, aux USA, en 2009, suite à cette grippe porcine complètement fausse, l'industrie pharmaceutique a été protégée par l'État de façon à ce qu'elle ne soit surtout pas responsable. Donc, parallèlement, c'est devenu une loi. C'est complètement de la folie. Quel problème peut avoir un médecin qui ne veut pas vacciner ? Oui, un médecin qui ne veut pas vacciner reçoit éventuellement un avertissement de l'ordre des médecins. Et il peut être radié. Il se peut qu'il ne puisse plus travailler comme médecin. Oui, bonjour. Oui, bonjour docteur. C'est gentil à vous de prendre un peu de temps. Je viens de la part de la protection des médecins et j'aimerais très courtement vous poser 2-3 questions. Mais d'abord, dites-moi, qu'est-ce que c'est que la protection des médecins ? Nous sommes un groupement international de patients inquiets. Nous aimerions expliquer aux médecins que souvent ils ne savent pas ce qu'ils font et l'entreprise pharmaceutique en profite. Donc, je vais vous poser la première question et par la suite, vous allez vous en rendre compte. Trouvez-vous normal que les composants des vaccins ne soient pas inscrits sur l'étiquette ? Je n'y ai pas réfléchi. Pourquoi les entreprises pharmaceutiques refusent-elles de montrer la composition des vaccins et la cachent comme un secret ? Je ne peux non plus rien vous dire là-dessus et en ce moment, je n'ai aucune idée à ce sujet. Allô ? Je vous souhaite une excellente journée de la part de la Protection internationale des médecins. J'ai une question. Je vous en prie. Sur l'étiquette des vaccins, la composition n'est pas indiquée ? Oui, qu'en dites-vous ? C'est en ordre. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur des vaccins ? Est-ce que vous voulez me donner des leçons ? Ou comment ça maintenant ? Et je ne vous comprends pas. Je ne vous connais pas. Et en plus de cela, je ne vous donne pas d'informations. Vous savez, j'aimerais seulement savoir comment vous pouvez faire des piqûres à des enfants alors que vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Bien sûr que je sais ce qu'il y a dedans, mais par exemple... Mais je ne vous donne aucune information. Je ne sais pas qui vous êtes, s'il vous plaît. Seriez-vous... Je ne sais pas maintenant, ça suffit, s'il vous plaît. Je suis médecin depuis 30 ans et je ne me laisse pas démolir par vous. Ok. Seriez-vous... Non, s'il vous plaît, c'est terminé. Seriez-vous... Non, c'est terminé. Ok, ciao. Oui. Bonjour, monsieur le docteur. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est correct que sur les étiquettes des vaccins, on ne sache pas ce qu'il y a à l'intérieur ? Non, je ne trouve pas cela correct. Notre question est, comment pouvez-vous conseiller objectivement les parents si vous ne le savez pas ? Je suis en ce moment en consultation. Je vais dire à l'infirmière assistante de ne jamais me mettre en communication pendant la consultation. Je vais le lui dire. Ok ? Au revoir. Avez-vous entendu qu'il y a du formaldéhyde et du mercure dans les vaccins ? Non. Est-ce que vous lisez tout ce qu'il y a dans les vaccins ? Non. Pour des choses comme ça, nous n'avons pas de temps. Dans chaque vaccin, il y a du mercure. Le saviez-vous ? Oui, c'est possible. Alors on s'empoisonne au mercure avec les vaccins ou quoi ? Exactement. Alors nous sommes au point que je dois informer le patient qu'il peut avoir des dommages dus à la vaccination quand je vaccine. Et si je le fais, alors il part du cabinet en poussant des cris. Oui, sur l'étiquette, cela n'est pas indiqué. Les entreprises pharmaceutiques en refusent la publication. Oui, oui, vous pouvez me l'envoyer comme questionnaire et nous vous donnerons la réponse. Et maintenant, spontanément, vous ne pouvez rien dire ? Bien sûr, je peux tout dire sur cela, mais je ne le fais pas. Et pourquoi pas ? Parce que je ne le veux pas. Mais vous pouvez rapidement me donner des informations. Merci beaucoup. Ok. Et je continuerai encore à vacciner. Ok. Avec du mercure, avec du formaldéhyde, avec tout ? Peu importe avec quoi. C'est évidemment difficile pour un médecin de toujours comprendre. Et je peux aussi comprendre si quelqu'un ne sait pas tout. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, mais il y a aujourd'hui beaucoup de déclarations dans ce genre, que les patients s'informent et posent des questions. Et je trouve que nous devrions prendre cela comme motif quand on vaccine soi-même. Oui, depuis plusieurs années, je ne vaccine plus. Quand on vaccine soi-même, on doit aussi regarder si on se trouve du bon côté. et reconnaître assez rapidement que l'on n'est pas du bon côté quand on vaccine. C'est ma ferme conviction. Si les parents suspectent des dommages chez leurs enfants à cause de la vaccination, souvent ils ne savent pas à qui s'adresser. Ramona Cris dirige l'organisation de protection des dommages dus à la vaccination. Son organisme s'investit dans l'ensemble du territoire fédéral pour que les dommages de la vaccination soient reconnus. Mais très peu de dommages causés par la vaccination sont signalés. On parle d'un chiffre très sombre. Première ligne, les médecins ainsi que l'administration de la santé, compétente dans la région où l'on habite, ont le devoir d'informer de ces choses. Mais malheureusement, cela tombe souvent à l'eau. Que conseillez-vous à une jeune famille ? Elle désire le meilleur pour son bébé et le calendrier des vaccinations conseille 7 vaccins en 2 mois. Oui, enfin, je peux juste essayer de transmettre tout ce que j'ai compris durant toutes ces années. Vous n'êtes pas obligé de me croire, je vous le dis, mais je vous donne toutes les informations que vous voulez savoir pour pouvoir prendre une décision. Et quand vous aurez pris votre décision et que vous voulez être vacciné, alors vous devez aller chez un autre médecin. Cela ne fonctionne pas chez moi. Cela veut dire en clair que vous ne vaccinerez pas cette famille? Non, en aucun cas. En toute conscience, je ne peux pas assumer cela. Cela ne va absolument pas. Je ne vaccinerai plus jamais. J'ai assez vacciné chez Lufthansa. Je ne le ferai plus jamais. Les anticorps ne protègent pas sur le plan immunitaire. Il n'y a pas de preuve pour ça. On calcule les anticorps dans le sang. Les anticorps mesurés ne sont pas une preuve manifeste de l'immunité. Ils ne sont pas les seuls composants du système immunitaire. À travers de simples observations, cela pourrait être facilement expliqué, mais cela ne se fait pas. Pour l'autorisation de mise sur le marché d'un vaccin, on ne contrôle pas si les vaccinés sont moins souvent malades ou en meilleure santé que ceux qui ne sont pas vaccinés. Tous les grands spécialistes de la médecine n'ont jamais vacciné. Vous savez, on nous explique, nous pouvons éradiquer les maladies, n'est-ce pas? Nous avons éradiqué des maladies. Nous ne pouvons pas éradiquer les maladies. Nous pouvons seulement éradiquer les facteurs qui amènent les maladies, améliorent la qualité de vie. La peste a disparu sans vaccination. Si l'OMS et consorts le prenaient au sérieux, ils expliqueraient au lieu de répandre la peur. Ou bien, comme nous venons de l'entendre, faire des menaces. Ils formulent des menaces. Ainsi, nous reconnaissons qui nous aime, qui veut nous utiliser, qui nous menace. Dans ce complexe de bâtiments se trouve l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Elle a été fondée en 1948 avec comme but que toutes les nations atteignent le plus haut niveau de santé. Avec ses 194 États membres, elle est l'organisation mondiale numéro 1 pour les questions de santé. Et nous sommes aujourd'hui en direct de Genève pour vous citer quelques facettes qui vont vous surprendre. Pour pouvoir contrôler des maladies et des épidémies, l'OMS s'occupe des mesures et des plans de pandémie. C'est raisonnable, mais cela ne doit pas toujours fonctionner comme le montrent les nouveaux résultats. Lorsque la grippe porcine AH1N1 est arrivée, l'OMS a déclaré le plus haut niveau du plan de pandémie. Par conséquent, les États ont commandé des vaccins et des produits pour la grippe. Rien qu'en Allemagne, on a dépensé 280 millions d'euros. J'ai pris aujourd'hui le Badische Zeitung et j'aimerais volontiers vous lire quelques titres. Air chaud et coût élevé. 280 millions d'euros pour la pandémie qui n'a pas existé. Qu'est-ce qui a mal tourné pour cette lutte contre la grippe porcine? Ce faisant, les critiques ont dévoilé que l'actuelle directrice de l'OMS du département vaccination, Madame le Dr Marie-Paul Kini, était avant sa fonction à l'OMS, employée dans l'entreprise pharmaceutique française Transgène. Transgène entretient des partenariats stratégiques avec Roche, le trust pharmaceutique suisse. Le docteur Wolfgang Wodarg du parti SPD est le président du comité pour la santé au Conseil de l'Europe. Il soupçonne une entente étroite entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique. Je cite, « On suspecte que l'industrie ait eu de l'influence sur l'OMS. Il s'agit d'une vraie fausse alarme et pour cela, il y a des attestations scientifiques. » Déjà en 2005-2006, c'était la même chose pour la grippe aviaire. Elle n'a jamais été transmise d'homme à homme. Et maintenant, nous découvrons que la grippe porcine fait de loin moins de mal qu'une simple grippe. Cela éveille des souvenirs quant au virus H5N1 et à travers cela la grippe aviaire qui a suivi. Alors l'OMS parla d'un danger possible d'une épidémie de grippe mondiale et de 7 millions de morts. Les gouvernements ont fourni des millions de produits contre la grippe, le Tamiflu et le Relenza. Bien que le virus se soit répandu dans le monde entier, rarement les gens ont été malades. Ainsi, d'un point de vue global, moins de gens sont morts de la grippe aviaire que de la grippe saisonnière normale. Le responsable de cette affirmation était Klaus Stör. Il était à ce moment-là directeur de la vaccination à l'OMS et après le scandale, il a quitté l'OMS pour le trust pharmaceutique Novartis. Les relations étroites entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique ont toujours donné lieu à des critiques. Pas étonnant qu'on regarde la structure d'un peu plus près. Comme l'OMS, avec ses 194 États membres sur un plan global, il existe en Allemagne au plan national le ministère de la Santé publique nommé BMG. Dans un certain sens, l'exécutif de BMG est l'Institut Robert Koch. Ses devoirs sont l'identification, la prévention et la lutte contre les maladies. D'autres organisations se tiennent aux côtés de l'Institut. Au plan national également, la proximité des fabricants de vaccins n'est plus à prouver. Dans un sens, il y a sous le toit de l'Institut Robert Koch le groupe d'études Influenza. Quatre industries pharmaceutiques ont eu des idées à ce sujet. Le groupe d'études Influenza donna des conseils pour la prévention de la grippe et est financé depuis 2006 par de l'argent public. Un comité consultatif est à leur côté. Ce sont 9 spécialistes, dont 5 représentants de l'industrie des vaccins. Entre autres, il y a l'Institut Paul Ehrlich. Ceci est aussi une institution du ministère pour la Santé. Il est responsable pour la sécurité des vaccins et autorise aussi la sortie des vaccins. L'Institut Paul Ehrlich est aussi financé par l'argent public. Les conseils pratiques pour les vaccinations sont donnés par un autre organisme. Les continuelles commissions des vaccins, les coûts pour les vaccins conseillés doivent être payés par les caisses maladies. Les conseils des responsables de la commission des vaccins ont un effet direct sur les coûts du système de la santé et des bénéfices des produits de la pharmacie industrielle. Dans une demande de renseignement libre, 12 des 17 membres de cette commission des vaccins ont avoué recevoir des honoraires ou des frais de voyage de la part des fabricants de vaccins ou participer aux études de mise sur le marché. 7 d'entre eux sont même assis directement dans le conseil d'entreprise pharmaceutique. Cette magouille est si opaque que personne ne peut vraiment vérifier. Le système entier est dominé par l'industrie pharmaceutique. Pour le médecin traitant, il est impossible de faire une séparation entre les intérêts du patient et les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Encore une personnalité. Après 9 ans de présidence à la commission des vaccins, le professeur Heinz-Josef Schmidt s'est décidé pour un changement de travail. Il assure des études cliniques sur les vaccins des fabricants de vaccins Novartis Vaccines et Diagnostics. Schmidt s'est fait fort d'une revendication énergique. Il a dit « Sans vaccination, un enfant ne devrait pas pouvoir aller dans une école publique. » Oui, et nous avons demandé à des gens dans la rue ce qu'ils pensaient de cette exigence. Donc, en général, je ne trouve pas cela juste, parce que je trouve que les parents devraient encore avoir la liberté de choisir que leurs enfants soient vaccinés ou non. Et si l'État intervient trop tôt, c'est une paternisation grave dans le droit de la personnalité. Une telle chose ne devrait pas exister. Cela ne doit pas être parce que c'est déjà de la dictature. On ne peut pas obliger quelqu'un à se laisser injecter du poison, et encore moins un enfant. C'est pire que chez un adulte. C'est tout simplement culotté, parce qu'une école est publique et ce sujet n'a rien à voir avec ça. Bah, très sévère. Envers le devoir, je suis toujours assez sensible. Je trouve que fondamentalement, nous allons toujours plus dans la direction que l'État nous dicte. Ce qui devrait être juste pour nous et que nous devrions l'accepter ainsi. Je suis fondamentalement orienté libéral. Je trouve que cette grande affaire d'obligation est très mauvaise, mais l'information doit être faite. Et cela devrait être le devoir de l'État. Connerie. Ça vous va comme réponse? On devrait être informé par les médecins, mais la décision devrait être prise par les parents. Des maladies peuvent réapparaître à cause des vaccins. Ainsi, l'enfant peut tomber malade dans certains cas. Je pense que les enfants doivent traverser les maladies infantiles. Ainsi, ils fortifient leur système immunitaire. C'est important pour leur développement personnel qui passe par là. Et qu'ils aient des parents qui soutiennent cela. Que l'on ne tombe pas dans l'illusion de tout est faisable, tout est évitable. Et que cela fait partie de la vie pour être préparé. Que l'on sache comment faire face à la souffrance. Et à travers cela, qu'on devienne plus fort. Non, je ne trouve pas cela bien, parce que c'est une affaire très personnelle. Et de plus, il y a toujours des effets secondaires qui font des dégâts dans la vie d'un enfant ou un truc dans ce genre. Non, on ne peut pas dicter cela d'en haut. Je trouve ça très discriminant. Je trouve cela impossible. Alors, ils n'ont qu'à rester à la maison. Pandemix, le vaccin de la grippe aviaire, a été mis sur le marché d'une manière très peu correcte. C'est-à-dire qu'il n'a pas été assez testé pour connaître les effets secondaires. Le lecteur doit savoir qu'il n'existe peut-être pas de réponse fiable au sujet de la question sur les effets protecteurs des vaccins et combien de temps ils agissent. Professeur Haas, membre du STIKO depuis de longues années. Chaque campagne de vaccination annuelle, par exemple contre le cancer du col de l'utérus, rapporte aux caisses des fabricants la coquette somme d'environ 150 millions d'euros. En Amérique, pour un simple vaccin DTP, entre 1982 et 1987, les coûts montent à 11 cents, à 11,40 $ par an. Les fabricants des vaccins mettent de côté 8 $ par vaccin pour les frais juridiques et les frais d'indemnisation aux parents dont les enfants ont subi des dégâts cérébraux qui sont morts suite à la vaccination. Depuis plus de 25 ans, ils prouvent par là leur connaissance des graves dangers des vaccins et des dommages. Empoisonnement dû au mercure à travers les vaccins. Les études prouvent que l'autisme est dû à une forme d'empoisonnement par le mercure. Dr. Laura Evitson de l'Université de Pittsburgh montre dans une étude que des bébés singes vaccinés présentent des symptômes de l'autisme. Des vaccins contrôlés qui contenaient du thiomersal, ce mélange de mercure, étaient contenus dans des vaccins contre la grippe. Et penser que la propagation de virus graves et mortels comme le SARS et le Ebola a pu être endigué sans vaccin. Ce ne sont pas les médecins qui développent des produits de traitement et les commercialisent avec succès. C'est l'industrie qui crée à haut rendement les médicaments préventifs et qui invente de nouveaux besoins. Entre 1978 et 1993, 13 500 cas de soupçons ont été adressés à l'Institut Paul Ehrlich pour des effets indésirables dans des vaccins. Pour 40% des cas signalés, il s'agissait de complications graves, 10% étaient des complications mortelles. Le président des États-Unis, Bush, annonce acheter du Tamiflu pour 7,1 milliards de dollars suite à la grippe aviaire en 2005. Le ministre de la Défense, Donald Rumsfeld, plusieurs fois actionnaire et ex-président du Conseil de Gilead Sciences, qui garde le droit du Tamiflu. L'obligation de vacciner est possible en Allemagne. Le ministère de l'État pour la Santé a le droit d'obliger la vaccination en cas d'épidémie grave. Et ainsi, le droit fondamental à un corps non endommagé est limité. Aussi, dans notre pays voisin, la Suisse, les faibles sont obligés de se faire vacciner. L'Association professionnelle des pédiatres sollicite un plan national de vaccination. Uniquement, les enfants avec un carnet de vaccination peuvent entrer au jardin d'enfants public et aller à l'école. Entre-temps, certains montent au créneau. Les vaccins ont des effets secondaires. Les vaccins contiennent des poisons, ça on ne peut pas l'ignorer, car ce sont des faits, c'est ainsi. Il y a des gens qui déclarent que c'est un délit de ne pas vacciner les enfants. Mais moi, je dois simplement dire que c'est un délit de les obliger à être vaccinés. Mais cela serait même extrême et que je n'aimerais pas être dans ce dilemme. Est-ce que c'est de la vaccination forcée? Lorsque quelqu'un dit « tu dois te faire vacciner », alors je dis « je ne dois rien du tout ». Aujourd'hui, je peux encore le dire. Plus tard, ce sera plus difficile. Nous devons être conscients de cela, que chaque mesure entrave l'homme dans sa liberté et que par derrière, il y a une intention que nous devons reconnaître. Et pour cette raison, ne pas participer à cette histoire, justement, selon la devise, imaginez que c'est la guerre et personne n'y va. C'est Gandhi qui dit « L'homme n'a pas besoin de révolution, mais d'une évolution ». Cela veut dire un développement continu, être conscient d'un tel développement, et ça, c'est en marche. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent dans ce sens. C'est pourquoi ce n'est pas une lassitude envers la vaccination, mais une critique grandissante. Et ça, c'est en ordre. Car quelque chose qui a été mal contrôlé peut vraiment être remis en question. Est-ce que vous referiez vacciner votre enfant ? Non, jamais. Plus jamais. Avec ce que nous souffrons aujourd'hui et ce que nous savons aujourd'hui, plus jamais. Notre fille est affectée pour le restant de sa vie. Le dommage est irréparable. Nous avons appris à vivre avec, mais plus jamais. Oui, au contraire, nous voudrions avertir les parents rapidement et les informer de ne pas faire vacciner leurs enfants trop vite. Nous aimerions aussi les avertir contre un système qui n'a pas devant les yeux la protection des enfants, mais en premier lieu, le business.